entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici ensemble sur Radio Gemozo, l'association Ralentir pour vivre, information et sensibilisation au phénomène de l'épuisement appelé plus communément burn-out. Nous retrouvons Lia, directrice des programmes. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Voilà, nous nous retrouvons après un petit moment... Un petit moment vacances, on peut le dire. On peut le dire, voilà. C'est important et nécessaire. Oui. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de l'épuisement dans le milieu des enseignants. D'accord. C'est un sujet qui est crucial, puisque c'est eux qui éduquent les enfants, donc oui, le futur, quelque part. Tout à fait. Et donc ce sujet, on l'avait déjà abordé par différentes manières, y compris avec des personnes qui étaient venues témoigner de leurs problèmes dans le cadre de l'enseignement. Oui. Et on s'est posé une question, qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle dans ce, je dirais, domaine, qu'il y ait une avalanche d'épuisement et de burn-out chez les enseignants? Oui. C'est une question qu'on se pose, quel est le contexte qui fait que on en arrive à ces points de non-retour, mmh, apparemment, qui sont vraiment très avancés. Mmh. Nous allons avoir un invité, François Demont, secrétaire du départemental SE UNSA 52. Et donc, il va répondre à nos questions. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser un contexte avec une audio concernant un témoignage de ce qui se passerait dans l'éducation. On ne peut plus travailler correctement parce que l'institution laisse tout aller à vous. Ma lettre de démission a été envoyée au rectorat de Nantes. À la rentrée, je serai radié effectivement des cadres de l'éducation nationale. Tout un tas de choses c'est des facteurs qui, pris à part, sont pas très graves en soi, mais quand on les accumule, ça devient très vite étouffant. Donc la réforme du lycée, elle était passée en force. On avait protesté pendant des mois, on avait été traité même de preneurs d'otages par notre ministre, ce qui fait toujours plaisir. Et donc l'année 2019-2020, l'année scolaire là, c'était une catastrophe. Les élèves étaient en panique parce que changement de structure du bac avec des profs qui ne sont pas au courant parce qu'on nous a balancé ça sans information, avec des épreuves qui changeaient, avec des modifications de la réforme en cours d'année, c'était vraiment épuisant. Un mépris aussi de l'institution avec un manque de dialogue hallucinant. Ça s'est enchaîné juste après avec le Covid, la gestion de la pandémie aberrante. Quand on cumule ça avec un salaire qui ne bouge pas depuis 10 ans et qui fait que, en fait, moi, en tant qu'enseignant, je gagnais mieux ma vie il y a 10 ans qu'aujourd'hui parce que donc le salaire est gelé. Conversations que l'on a eues. J'ai eu plusieurs fois le CAPES aujourd'hui ne vaut plus rien. Donc finalement, moi, je ne vaux pas grand-chose puisque j'ai eu un concours qui ne vaut plus rien. Mais si vous voulez, ce sont des personnes qui avaient, j'ai l'impression, une ambition de pouvoir. Et ce pouvoir, ils pouvaient l'avoir sur moi dans le sens où ils savaient très bien que la hiérarchie n'allait rien faire. Et je dis ça parce que finalement, je suis pas le seul à avoir subi dans mon académie ce harcèlement. Mais si vous voulez, il y a des suicides dans l'éducation nationale, il y a des dépressions dans l'éducation nationale. Et au début, moi, je pensais naïvement, je me suis dit, bon, c'est des gens qui sont un peu faibles psychologiquement, ils sont en fin de carrière, voilà. Je considère pas être faible psychologiquement. Je suis en début de carrière, si vous voulez, et j'ai été arrêté au bout de 4 mois. 4 mois pour un métier quand même qui me passionne. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'institution maltraite ses personnels. Et c'est vraiment de la maltraitance. À certains endroits, c'est de la maltraitance. Il n'y a pas de reconnaissance de la personne. Et en termes de relations, de gestion RH, c'est très difficile. Bien entendu, il y a des difficultés dans certaines disciplines, en particulier des disciplines professionnelles pour les lycées professionnels, quelques autres disciplines également auxquelles nous travaillons. Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Vous l'aurez compris, chères auditrices et auditeurs, il y a un problème de fond. Alors, je vais juste déjà rappeler un peu des choses globales. J'ai trouvé que, il y a eu des statistiques qui ont été faites et des questionnaires qui ont été envoyés. 58% des enseignants ne choisiraient plus le métier d'enseignant si c'était à refaire. Ah oui, quand même. Ça le fait. Ah oui. 6 sur 10. Incroyable. C'est énorme. Oui, énorme. C'est énorme. 80% affirment que leur travail a été excessivement stressant dans l'année écoulée. 81%. Ah oui, c'est beaucoup. Là, c'est aussi beaucoup. 42% dénoncent un travail négatif au sein de leur école. Oui. Donc, des ambiances délétères. Et là, je rebondirai sur ce qu'on a entendu dans cet audio, qui a un manque de reconnaissance et de la maltraitance. Alors, d'après ce qu'on sait, 17% seraient concernés par des burn-out graves. Oui. Donc là, on a même entendu parler de suicides. Oui. Hein. Donc, il y a des suicides assez importants dans l'éducation. Donc là, on a l'exemple de Christine Renon en 2018 qui s'était suicidée dans la cour d'école en écrivant une lettre en disant qu'elle avait eu un problème à régler avec un enfant de 4 ans qui avait été la goutte qui avait fait déborder le vase avec les parents. Elle n'avait pas supporté et elle disait qu'elle n'avait pas de soutien. Donc le problème dans l'éducation, c'est une difficulté de s'avouer en difficulté, c'est le cas de dire. C'est difficile de s'avouer en difficulté. C'est aussi une cause inhérente au pilotage et aux missions. C'est-à-dire, ils ont des missions éducatives, et ils ont une difficulté par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas vraiment de fil rouge distinct. C'est un petit peu confus aussi ce qu'ils ont comme données. Hein. Ensuite, ils sont en lien avec le public, donc ils sont en lien avec les parents. Et ils se sentent démunis, voilà. Et c'est l'incompréhension par rapport à ce qu'on attend de l'école. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de manque de cohérence. Ben, ça, c'est sûr. C'est ça. Et donc, à ce niveau-là, ça devient compliqué. Là, l'IA, on va juste peut-être rappeler, parce que le sujet étant très fort, si des personnes veulent intervenir, ils peuvent le faire sur nos pages Facebook, Ralentir pour vivre à Beau et Radio Guémozo ou Guémozo, nous avons deux comptes, donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez réagir si vous avez quelque chose à dire. Ensuite, vous pouvez appeler, mais bon, pendant l'interview, vous aurez de la peine à appeler, donc je ne vais pas vous redonner peut-être le numéro de téléphone, parce que ça risque d'être compliqué pour nous. Ou un petit peu plus tard, hein, 03 29 62 40 40. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, pour laisser un message ou en tout cas nous dire quelque chose. Oui. Ça, c'est important. Et donc, en dehors de tout ça, maintenant, on va écouter. Alors, c'est une musique et une chanson qui est un peu étrange. Moi, je l'ai choisie parce que ça reflète un petit peu, ça reflète un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouve l'éducation. Allez. On y va. Sortie, je baisse les bras, tout est fini. Voilà, chères auditrices et auditeurs, maintenant nous allons accueillir notre invité du jour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Demont. D'abord, nous vous remercions beaucoup d'intervenir dans cette émission pour nous donner un aperçu de la problématique et de l'environnement qui est actuel dans l'enseignement. Je rappelle votre fonction. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat des enseignants pour l'Union nationale des syndicats autonomes. Me suis-je trompée ? Est-ce juste ? Non, non, c'est bien ça. On travaille pour l'UNSA, oui. Voilà, c'est bien ça. Donc, on vous remercie beaucoup parce que on se pose quand même des questions et vous, vous avez une réalité de terrain, vous pouvez nous en parler dans la réalité. Que diriez-vous actuellement du phénomène d'épuisement dans l'enseignement ? Alors, le phénomène d'épuisement, il n'est pas spécialement nouveau, mais on voit qu'il s'accroît. Et alors, il s'accroît sur deux termes. Il s'accroît en nombre. On a de plus en plus de collègues qui sont touchés, qui l'expriment, et il s'accroît aussi en termes d'intensité. Moi, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que j'accompagne des collègues pour tout un tas de sujets dans leur carrière, et là, on touche vraiment, enfin, on a affaire à des collègues qu'on accompagne parfois qui sont vraiment touchés, mais profondément, quoi. J'ai un ressenti qui me fait dire que c'est plus grave que ça. Avec toute la difficulté, c'est qu'on arrive difficilement à mesurer. Oui, je comprends. Parce que ça reste un sujet délicat, c'est un sujet très personnel. Et c'est un sujet tabou. C'est clairement un sujet tabou. On va pas se mentir. À l'heure actuelle, c'est le sujet, comme si on nous pointait du doigt, le faible. C'est tout à fait ça. On est quand même dans une société où tout est basé quand même sur la conquête, la force. Oui. Tout à fait. Et effectivement, ça veut dire avouer une faiblesse qui en fait n'en est pas une, parce que quand on réfléchit bien, ces phénomènes de burn-out ou plus généralement de mal-être au travail, mais pour aller vers le burn-out, puisque c'est le thème un peu de l'intervention, oui. En fait, ça touche surtout les gens qui sont très très investis dans leur boulot. Ah ben c'est ça, les courageux. Et donc, ces gens-là, en termes de faiblesse, c'est dur, quoi. Oui. Mais qu'est-ce que vous diriez des facteurs qui pourraient avoir amplifié ces 20 dernières années, puisque vous nous dites que depuis 20 ans, ça s'est agrandi, le nombre de gens épuisés dans l'enseignement. Quels seraient les facteurs que vous pourriez retrouver, qui pourraient vous indiquer quelle est la raison de cette amplification ? Alors, j'ai écouté un petit peu ce que vous avez dit en introduction avant, et en fait, vous avez déjà dit quand même beaucoup de choses essentielles. On a plusieurs choses. Des choses en interne, éducation nationale, c'est-à-dire le pilotage qui se déshumanise, c'est-à-dire qu'on est piloté par circulaire. Mm. En fait, ça crée une distance. Ça, c'est un premier élément. Une surcharge des tâches pour certains personnels. Mm. Je pense notamment au directeur d'école dans le premier degré, on avait eu il y a quelques années, malheureusement, le suicide d'une collègue à Pantin. Oui. Il y avait eu tout un tas de concertations, de mises en place. Et en fait, nous, je sais que syndicalement, on avait choisi d'assister à toutes ces réunions-là. Et on l'a fait sur notre département, on a fait une synthèse. Et en fait, les collègues, ce qu'ils demandaient, c'était du temps pour exercer leur mission, un allègement, une simplification des tâches et du temps pour se rencontrer. Oui. Et en fait, on s'aperçoit qu'après toutes ces années-là, ils n'ont rien eu de tout ça, quoi. Par contre, il y a une multiplication des tâches, des délais de plus en plus courts pour répondre. Et ça, c'est une problématique qui revient beaucoup. Et puis, il y a un élément important, c'est de toujours dans les causes internes, on va dire, c'est de savoir quel sens il y a derrière ce qu'on nous demande. Mmh. Et il y a un élément intéressant au niveau d'une éducation qui regroupe tous les métiers de l'enseignement, enfin, d'éducation nationale. On fait chaque année un baromètre des métiers. Oui. Et il y a 49 500 personnes qui ont répondu l'an dernier, par exemple, syndiquées ou non syndiquées, et on s'aperçoit quand même que si globalement, il y a quand même encore 68%, enfin presque 67% de gens qui disent trouver encore du sens dans les missions qui leur sont confiées, ça fait 14 points de moins en 8 ans. Ah oui. En 2016, il y avait 80% des personnes, 81% presque, qui répondaient ça. Maintenant, on n'est plus qu'à 67. Ah oui, c'est... Et ce qui est encore très, très inquiétant, c'est par exemple dans ceux qui répondent non, ça fait 31,2%. Chez les IEN, c'est-à-dire nos cadres, dans l'éducation nationale au premier degré, nos inspecteurs des circonscriptions, il y en a 49% qui déclarent ne plus trouver vraiment de sens dans les missions qui leur sont confiées. Oui, c'est notre encadrement. C'est dramatique. Je dis toujours, on se trouve dans une classe avec 10 professeurs, il y en a 5 qui ne savent pas pourquoi ils sont là, en gros. Alors, en fait, je crois qu'il y a un élément, ça c'est un autre élément aussi, je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est que on vient tous dans ce métier-là, rarement par hasard, on vient tous avec une idée, des missions qu'on aime, enfin qu'on a envie d'exercer. Et en fait, là, la difficulté, c'est un peu le décalage, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le décalage entre ce qu'on nous demande et ce pourquoi on est venu. Oui. Et en fait, pour rejoindre sur le burn-out, et ce qui fait que c'est difficile de le repérer, c'est que les collègues s'investissent, se surinvestissent. Et en fait, dans les formes de burn-out, quand on commence à sentir que ça va pas bien, ben on se surinvestit dans son travail. C'est ça. Et nous, on le fait, nos collègues, c'est « Ah ouais, mais bon, y a les gamins quand même. Hein. On peut pas lâcher. » Et en fait, on fait. Alors de façon un peu mécanique, plus mécanique, peut-être moins bien, mais on fait quand même. Oui. Et vu de l'extérieur, même par rapport à des collègues proches, vu de l'extérieur, c'est dur de repérer un membre d'une équipe qui commence à perdre un peu pied. C'est ça. Et souvent, quand on s'en aperçoit, ben, la situation est grave. Oui, c'est ça, parce qu'on parlait justement des suicides. Il parle des suicides. Il y en a quand même un certain nombre. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de statistiques à ce sujet. Hein. On parle des agriculteurs, un par jour, donc à peu près 360 par année. On parle des internes en médecine, un tous les deux jours, c'est-à-dire à peu près 100, on va dire 180 par année. Mais on n'a jamais parlé des enseignants, quel est le taux de suicide. Mais je pense qu'il y a aussi, du fait de la difficulté de repérer, la difficulté de savoir si cette personne a mis fin à ses jours pour une X ou Y raison, ou si c'était pour ça. Voilà, c'est ça. C'est très, très compliqué de retrouver, on va dire, le fil rouge par rapport à ça, parce que, alors comme vous le disiez, je pense que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'hyper important. C'est cette responsabilité humaine en âme et conscience. On a en face de soi des enfants, c'est-à-dire on est en train d'éduquer des enfants, ce qui est quand même, on va dire, une mission cruciale dans la société. Ah ben oui, et c'est ce qui fait que nos collègues, alors je dis personnel en général, parce qu'on a aussi les personnels d'éducation, et on s'investit beaucoup parce que c'est une mission qu'on a choisie, et qui est noble. Hein. Oui. Et justement, un des effets pervers, c'est que c'est un métier éminemment humain, donc avec une forte charge humaine, émotionnelle, et on n'arrive pas. Pour beaucoup, on n'arrive pas à couper, quoi. Quand la cloche sonne, hein, pour reprendre une vieille expression, quand la cloche sonne, notre boulot ne s'arrête pas. Ah ben, ça s'arrête. Et donc, pour réussir à, on va dire, à éviter d'aller vers le burn-out ou vers des problèmes psychologiques, il faut avoir un entourage personnel et une vie personnelle riche, bien réglée, sans trop de soucis. Il faut avoir aussi une équipe dans laquelle on travaille qui est soudée, où on se sent bien. Parce que il faut pouvoir exprimer ces difficultés. Oui, alors là, vous mettez le point, je m'excuse de vous interrompre, mais le doigt sur un point, à mon sens, hyper important. En tout cas, nous, en tant qu'association, c'est un message qu'on veut faire passer. La grande problématique de fond dans ce sujet tabou, c'est qu'en fait, c'est l'individu qui est considéré comme coupable d'avoir été victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'infrastructure ou l'environnement qui a une part de responsabilité. Non, c'est l'individu. Je vous donne la nouvelle définition de l'OMS par rapport au burn-out et à l'épuisement. C'est une pression sur une trop grosse pression sur le long terme que la personne n'a pas su gérer. Vous entendez? La personne n'a pas su gérer. Et là, je pense que c'est là que le chat mal à la patte. On a inversé carrément le, carrément l'approche. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, ça devient grave parce que effectivement, on reporte sur l'individu. Et quand vous disiez oui, il faut une vie privée bien montée et tout, et je l'ai entendu à moult de moult fois que on disait oui, mais bon, il a fait un burn-out, mais il est en train de divorcer. Oui. Et alors... si on inversait, si on disait comme il a fait un burn-out, il a provoqué son divorce. On pourrait aussi dire comme ça. Oui, oui, c'est... Alors, voilà, j'ai peut-être mal formulé, mais c'était dans le sens où si, effectivement... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Mais c'est un des éléments qui peut permettre d'éviter de sombrer. Sauf que, effectivement... Et souvent, on inverse... Alors là, c'est clair, c'est flagrant. Là, c'est même carrément inversé l'approche complète burn-out. Mais souvent, on confond aussi... cause et conséquence. C'est ça. C'est que on peut avoir des difficultés professionnelles qui vont générer des difficultés psychologiques, mais on peut aussi avoir des difficultés psychologiques qui vont entraîner des difficultés d'ordre professionnel, on va dire plus technique. Et je sais que, par exemple, nous, dans l'éducation nationale, quand on a des collègues comme ça qu'on a repérés, eh bien, on apporte des réponses techniques et professionnelles, parce que ben, c'est les plus simples, c'est les plus concrètes, c'est les plus faciles à mettre en œuvre. Mais vous savez, on n'aborde pas, moi je siège depuis des années dans alors, qui s'appelait autrefois le CHSCT, donc santé, conditions de travail et sécurité. Et en fait, les risques psychosociaux, on en a parlé beaucoup, mais on ne prend pas le sujet vraiment à bras-le-corps, parce que c'est difficile. Oui. C'est difficile de vraiment les définir, c'est difficile de trouver des stratégies pour essayer de prévenir, et ça demanderait des moyens humains et financiers, mais qui seraient intéressants, parce que on a du mal à mesurer l'impact, le coût. Alors, c'est dur de parler coût quand on parle de burn-out, parce que le coût, il est incommensurable, mais même ne serait-ce qu'un aspect gestion financière, malheureusement, pour l'institution, c'est compliqué de mesurer les conséquences, et de se dire, mais on ferait quand même mieux de faire de la prévention, quoi. Oui, d'autant que vous n'avez déjà pas d'outils pour, on va dire, avoir un travail qui soit fluide et qui se passe bien, et que les gens aient le temps, puisque vous nous avez parlé de ça, et qu'il y a un sens, et que la charge humaine ne soit pas aussi grande. Et en plus, en double peine, je dirais, vous n'avez pas de soutien quant aux outils qui devraient être mis à disposition pour les risques psychosociaux. Parce que c'est pas à vous d'entendre. Vous dites, vous apportez des réponses techniques. C'est normal. C'est pas à vous de soutenir. Vous n'êtes ni psychologue, ni psychiatre, ni même coach pour dire que vous soutenez quelqu'un sur un autre plan que celui qui est technique. Non. C'est ça. Voilà, mais là, on va se retrouver. François, on va se retrouver après une petite pause musical, on vous retrouve sitôt après. Merci beaucoup. Très bien. Tourné sous la lune, j'ai dit personne n'a rien vu de mon arsenal, n'a vu combien j'étais pâle en plein jour sous les rayons. Personne n'a rien vu de mon amour oh, personne n'a rien vu combien je t'ai pâle plein jour. Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bloc. Personne n'a rien vu de mon amour oh, personne n'a rien vu combien je t'ai pâle plein jour. Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bloc. Je suis sorti dehors pour me calmer un peu. Elle m'a envahi comme le feu. Personne n'a rien vu. Elle a brûlé les vaisseaux, a changé de peau. A brûlé les vaisseaux, changé de peau. Et les vaisseaux extraterrestres sous nos peaux. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu de mon amour, mon amour. Oh, personne n'a rien vu combien je t'ai pâle plein jour. Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bloc. Oh, personne n'a rien vu de mon amour, mon amour. Oh, personne n'a rien vu. changer de peau. Les vaisseaux extraterrestres sous nos peaux. Pas la brûler tous nos vaisseaux, tourner le dos, changer de peau, brûler nos peaux, brûler nos vaisseaux, tout changer, tout charger, personne n'a rien vu, non, personne n'a rien vu. Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bloc. Je suis sorti dehors pour me calmer un peu. Elle a tout envahi comme le feu. Tourner le dos, je suis sorti dans la rue pour me calmer un peu. Nous nous retrouvons en direct avec François Demont. Vous êtes toujours là au bout du fil? Oui, oui. Voilà. Alors, dans tout ce que vous nous avez parlé, il y a des choses où on pourrait revenir sur le sujet par rapport au soutien pour les risques psychosociaux. Et qu'en est-il de la médecine du travail? Eh ben, c'est un gros sujet. Et en fait, on n'a pas de médecine du travail. Par exemple, dans l'Académie de Reims où je travaille, on a un médecin du travail pour l'ensemble des agents de l'éducation nationale de l'Académie de Reims. Ça représente des milliers et des milliers d'agents. Et donc, on n'a pas de visite régulière, comme on peut avoir dans les entreprises. Et ça, c'est un vrai problème, notamment par rapport au sujet qui nous importe aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'a pas ces phases où on pourrait peut-être repérer des situations difficiles, des collègues qui sont en difficulté d'ordre psychologique, et nous on les repère pas parce qu'on n'a pas, oui, on n'a pas ça. Tout à fait. Et donc en fait quand on découvre les situations, on ne fait que essayer de traiter. Oui. Et encore, c'est difficile, mais on n'a pas cette prévention, cette culture de la prévention et les moyens de la prévention. Mais c'est un vrai drame. Voilà, alors on en revient, quelquefois on entend aux informations, coupure dans le budget de l'éducation, puis on se dit coupure dans le budget, ils vont leur mettre moins de crayons, hein, je caricature un peu. Mais en quelque sorte, si je comprends bien, dans la coupure dans le budget, il y a aussi ça. On a certains postes qui existent, mais qui ne sont pas pourvus parce que c'est un problème d'attractivité des métiers. Et puis après, on a aussi effectivement des postes. Mais bon, nos budgets, ils sont votés chaque année par le Parlement. Donc en fait, on ne peut pas s'inscrire dans des démarches longues, sauf s'il y a vraiment une programmation pluriannuelle. Mais c'est difficile. Et effectivement, cette absence de médecine du travail est catastrophique pour nous. Et ça fait des années et des années, bien sûr, que toutes les organisations syndicales confondues revendiquent, mais... En vain, quoi. Oui, parce que et par ça, rapport, c'est vraiment. Oui, oui. Par rapport à la médecine du travail, alors moi, je vais être un petit peu plus pointue. Par rapport à ça, dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs, moi, j'entends des gens qui sont en burn-out et qui disent qu'en fait, la médecine du travail est plutôt du côté de l'employeur, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc là, on est de l'État. Est-ce que c'est le cas également dans l'enseignement? Non, nous, alors la médecin du travail qu'on a au rectorat de Reims, est vraiment un travail en toute indépendance. Voilà. Ça, là-dessus, non. Justement, c'est pour ça que nous voudrions bien avoir une vraie. Alors c'est vrai, quand on a une médecine du travail, on a tendance à trouver qu'elle n'est pas bien, ou passer ceci, ou passer cela. Mais à l'inverse, quand on n'en a pas, c'est vraiment. Oui, parce que là, il y a un manque. Ah mais c'est clair. Et puis alors nous, on n'est pas dans un métier spécialement physique, oui, mais on est dans un métier usant psychologiquement. Ah, ça, c'est une fois que les heures psychologiques, c'est pareil, dans la traduction du burn-out, il y a aussi les symptômes physiques qui viennent se mettre en place Tout à fait. Quand notre corps réagit, mais ça, on n'a pas ça. Oui, alors on avait eu une fois un professeur justement qui nous avait expliqué que quand il était tombé en burn-out, son médecin généraliste lui dit « Bon, ben, vous êtes en burn-out, ok, d'accord, il faut vous arrêter. » Bon, il était déjà pas très d'accord, mais il s'arrête. Et puis, il va voir les RH et puis il leur explique et puis il leur dit « Écoutez, il faut 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. » Donc, il devait être sur Reims, hein, d'ailleurs. Et 6 mois pour avoir un rendez-vous. Alors, lui, il était complètement affolé. Il s'est dit « Mais comment je vais tenir 6 mois dans ces conditions ?» Oui, oui, c'est ça, on en est là, quoi. Et ils l'ont lâché carrément. Alors, heureusement, il a eu un rendez-vous. Apparemment, je pense qu'il était dans les urgences, vous savez, dans le continuum du burn-out, il y a des gris clairs, des gris moyens, des gris foncés. Et là, apparemment, il était dans un gris très foncé, parce qu'il avait des passages à vide, hein, carrément. Il devait s'arrêter sur la route parce qu'il n'arrivait plus à conduire. Enfin, bref, c'était assez violent. Et donc, là, il a été reçu au bout d'un mois et demi ou 2 mois. Et c'était, on lui a dit au RH, c'est exceptionnel. Exceptionnel que vous ayez un rendez-vous aussi rapide. Donc, ça corrobore à ce que vous dites. Oui, c'est alors voilà, mais je pense que c'est pareil, c'est les personnels de bonne volonté. Donc on a un médecin du travail pour l'académie, et puis on a une psychologue du travail pour toute l'académie aussi. Ah oui. Donc c'est des gens de bonne volonté, mais qui sont obligés de parer au plus urgent. Et puis Puis l'académie veut dire, vous nous aviez dit, 1000 enseignants à peu près. Ah ben beaucoup plus que ça, parce que dans le premier degré en haute Marne, déjà on est 1000. Donc non, c'est des dizaines, c'est des milliers d'enseignants. Alors, je vais rester très terre-à-terre, hein, parce que je suis une personne pragmatique, terre-à-terre, et des fois un peu stupide dans mes questions, mais j'aime bien, c'est ce côté un peu, voilà. Donc, si je comprends bien, il y a, allez, on va dire 5 000 personnes, bon, allez, 5 ou 10 000, oui, 5 000. Je pense 5 000. Même, oui, on va dire ça pour faire 5 000, c'est un stade avec combien de personnes dans un concert, on va dire un concert d'un grand chanteur, quand même, 5 000 personnes, c'est déjà pas mal de monde. Hein. Et donc, il y a un psychologue et un médecin du travail pour ce stade entier. Voilà. Wow. Là, ça fait peur. Moi, j'aime bien les images comme ça qui nous remettent... Parce que je l'imagine en pleine guerre psychologique. Et je pense même que sur une académie comme la nôtre, on doit être à plus de 5 000. Hein. Mais bon, voilà, oui, mais déjà rien qu'avec cette proportion-là, vous avez compris l'ampleur du problème. Voilà, donc moi, j'essaie de visualiser ce que représente parce que ce genre de choses, c'est quand même... j'imagine une psychologue et un médecin qui courent à toute vitesse dans le stade marathon pour préparer au plus pressé entre celui qui est en train de mourir, celui qui est en train d'agoniser et celui qui a perdu 2 jambes et celui qui a perdu 3 bras. Enfin bref, je caricature. Mais c'est un peu ça. Ça doit être quand même quelque chose d'assez... assez violent. Voilà, ben là, nous allons faire une petite pause musicale, si je retrouve mes bons petits cartons, parce que je suis en direct, mais je ne suis pas une personne toujours impeccable dans mon direct. L'IA, elle me regarde avec des grands yeux noirs. On garde un peu d'humour, hein, non, François. Non, pas des grands yeux noirs. Voilà. Il en faut. Oui, là, à tout de suite, François, merci. Nous un ami sommeil, on le réveille parfois. Dans nos matins sans soleil, dans nos chemins de croix. En nous un enfant est là, et je cherche sa main. Pour qu'on me ramène à moi, qu'elle est dans le chemin. Allez viens qu'on oublie le poids des années, et Paris. Les projets déjà dépassés, je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi. Même dans le cœur du soldat, on a voulu jouer les grands, on s'est perdu, je crois. En nous un ami appelle en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens quand on oublie les mots, les regrets. Allez tiens dans mes nuits la lampe allumée. Je demande un peu de rêve. Ramenez-moi, ramenez-la, adouce innocence, percée d'insouciance. Ramenez-moi, ramenez le soleil, pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. Pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous retrouvons François Demont, secrétaire départemental du syndicat des enseignants UNSA 52. Et donc là, on va peut-être, François, vous êtes toujours avec nous. Oui, oui. Téléphone, voilà. On va peut-être parler d'un sujet qui, à mon sens, est peut-être central. Le rapport avec les parents, parce que les enseignants seraient-ils entre le marteau et l'enclume ? Alors en fait, c'est vrai qu'on a un métier aussi où on pense beaucoup contact avec les élèves, mais les relations avec les familles sont plus qu'importantes, sont même fondamentales. Et y a quand même un rapport à l'école qui a changé, et les attentes des parents par rapport à l'école ont changé, et ne sont peut-être pas effectivement en adéquation complète avec nos missions et les missions qu'on nous demande d'exercer. Oui. Et donc des fois ça crée des tensions, qui sont en fait souvent liés à de l'incompréhension du rôle de chacun, des missions de chacun, de ce que l'école peut apporter. Et puis on trouve aussi des fois des parents qui sont démunis par rapport à leurs enfants, qui sont en détresse éducative, on va dire, et qui finalement ont des attentes considérables par rapport à l'école. Donc on essaie de prendre ça en compte, mais c'est vrai que ce relationnel avec les parents est parfois un peu compliqué et souvent traumatisant. D'accord. Souvent traumatisant. Et je parle de marteau et enclume parce que, vous savez, moi, mon petit doigt, des fois, vient me parler. Il y a des j'entends des choses comme ça. Et on m'avait parlé que dans l'éducation nationale, il y avait un mot d'ordre qui devait être respecté, c'est « pas de vague ». Oui, alors... Oui, c'est un peu. Oui, ça existe un peu. C'est un peu. Bon, voilà. Mais disons qu'on commence à avoir malgré tout un soutien ferme de notre hiérarchie quand les situations sont vraiment très très très enquistées et quand il y a des menaces ou des choses comme ça. Là, on a un soutien qui s'automatise et qui est ferme. D'accord. Mais bon, la difficulté qu'on a, c'est de créer un lien de confiance. Oui. Et c'est difficile. Et l'image de l'école dans la société, je veux dire, bon, c'est simple. Les élèves sont moins bons, les élèves sont ceci, les élèves sont cela. Ce qui reste encore à vérifier. Oui. Mais toute cette image négative qu'on donne de l'école fait que les gens ont quand même moins confiance en l'école. Et l'école n'est plus forcément l'endroit où où l'enfant va grandir, s'épanouir, s'émanciper, c'est compliqué ça. C'est ça. Et ce qui est quand même très compliqué également, c'est qu'on doit prendre en compte le fait que, bah, d'accord, les enseignants ont un fort taux d'épuisement, voire de burn-out, bref. Et il faut parler aussi, à contrepartie, du burn-out parental. Bien sûr. A aussi un paquet de parents qui sont dans l'épuisement total. Alors vous imaginez, deux pôles comme ça, entre eux, c'est compliqué. Et c'est ça, et on parlait tout à l'heure que, effectivement, quand on commence à aller vers une situation de burn-out, on a de l'irritabilité, on a des choses comme ça. Et effectivement, et des fois, oui, je vous le dis, on a des parents qui sont complètement démunis par rapport à leur enfant. Alors ils peuvent arriver de façon un peu agressive, et si on réussit à instaurer quand même un dialogue, finalement on s'aperçoit que on essaie de poser un petit diagnostic commun, puis de dire bon ben comment on fait pour ensemble grandir. Mais souvent ça marche, hein, mais pas toujours. Et puis ça dépend aussi des contextes, des quartiers, des choses comme ça. C'est quand même compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué, effectivement. Mais ça, quand on a des événements de grosses tensions avec des parents, les collègues sont marqués, mais très profondément. Ça, c'est quand même des choses. C'est certain. Ouais. C'est une situation très délicate. Nous allons faire une dernière pause musicale et ensuite nous allons conclure justement sur ce travail de temps de médiation. C'est intéressant à vous entendre sur ce sujet. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Partir, souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir. Je l'ai pas vu venir, oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Appartenir, salir, s'abstenir, plutôt mourir, oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous revoilà pour une conclusion, mais surtout pour revoir un peu les points et pour finir par ce temps de médiation. Donc, François, vous dites qu'au sein du syndicat, vous prenez conscience de cette faiblesse qu'il n'y a pas, ben, vous l'avez dit au départ, hein, il n'y a pas de temps, et quel est le sens qu'il y a devant les demandes, et donc en fait, il y a des demandes qui ne sont pas prises en considération, si je comprends bien. Donc en fait, tout à l'heure, vous avez dit dans l'échange, et c'est juste, nous, dans l'accompagnement qu'on fait syndicalement, on est une oreille, on écoute. Mais après, c'est pas notre métier, c'est pas, on n'a pas, on n'est pas psychologue, on n'est pas, voilà, on fait ce qu'on peut, on écoute. Mais en fait, on s'est rendu compte que rien que ce temps d'écoute, moi j'ai des collègues, des fois, on passe une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone, et puis, je suis désolé, je peux pas vous apporter beaucoup plus de, ah non, mais vous m'avez écouté. Oui. Et en fait, ce temps d'écoute, moi je milite pour qu'on ait des liens, des personnes qui soient juste là simplement pour écouter. Et ça, on a besoin de se décharger émotionnellement dans certaines situations. Ça existe, hein, chez les pompiers, quand ils font une intervention un peu délicate, ils ont des cellules de débriefing et tout. Nous, il faut peut-être pas le prévoir comme ça, mais ça serait important d'avoir un temps d'écoute, d'avoir aussi des médiateurs pour essayer de régler toutes les situations épineuses, quoi. Oui, alors pas forcément les conflits avec l'extérieur, avec les parents, parce que ça, c'est autre chose, mais au sein d'une équipe, parce qu'en fait, quand on commence à fracturer à sentir des fissures dans une équipe, et ça peut pas être notre supérieur hiérarchique qui joue ce rôle-là. Et ça, c'est des métiers dont on aurait, je pense, besoin pour le bien-être des personnels. Moi, je pense que dans tous les métiers, il y aurait besoin de plus de communication. Parce que quand on regarde bien l'épuisement, c'est un manque de communication. Si on communiquait plus, si les gens avaient cette propension à plus dire « Là, j'en ai, mais ras les baskets niveau 2, mais là, je l'ai carrément niveau 20. » quoi. Et à partir du moment où il y aurait de l'écoute en face et du respect, on pourrait commencer à faire quelque chose. Alors, je dirais pas tout changer radicalement. Seulement, je pense qu'effectivement, une médiation, ou en tout cas il y a des petits moments, peut-être très courts, mais des petits moments pour échanger la problématique là-dedans. Enfin, je sais pas si vous allez me rejoindre sur ce sujet, mais il y a déjà pas le temps de tout faire. Là, on est déjà devant un problème majeur. Oui, on n'a pas le temps et puis pas forcément les moyens des ambitions qui nous sont demandées. Quoi, oui, hein. C'est ça. Parce que si déjà, il y a déjà ce qu'on appelle, alors j'ai entendu encore ce matin sur France Inter une émission sur la surcharge mentale, alors je trouve ça fabuleux, on parle de ça, et quelquefois dans les conférences que je donne, je dis toujours la surcharge mentale, écoutez, on va prendre une métaphore, c'est comme vous partez en pique-nique, vous mettez 5 kilos sur votre dos, vous allez peut-être courir, d'accord, vous en mettez 10, vous allez marcher, ok, vous en mettez 15, vous allez marcher déjà plus lentement, et vous en mettez 20 ou 30, eh bien vous allez marcher pas à pas, donc de toute façon, la surcharge, on peut tourner le problème dans tous les sens. On ne peut pas changer le fait qu'il y a trop, too much, c'est too much, point barre. Et dans l'enseignement, c'est ça. Oui, puis après, il y a des missions. On parlait aussi de ce pourquoi, au tout début, de ce pourquoi nous, on s'engage dans ce métier-là. Je prends juste un exemple très rapide. L'école inclusive, c'était accueillir tous les élèves, quelle que soit leur situation. C'est formidable. Et moi, je suis un grand militant de... Sauf que on accueille les élèves, mais on n'a jamais eu les moyens en termes de formation, en termes de moyens d'accompagnement. Et donc, en fait, c'est une souffrance pour tout le monde. Oui. Ça part d'une idée fabuleuse. Mmh. Et je vous le dis, je suis un militant de l'école inclusive. Mmh. Sauf que c'est une souffrance pour les élèves qui sont accueillis. Voilà, c'est une souffrance pour les autres, c'est une souffrance pour les enseignants. Mmh. Tout ça parce que il y a une belle idée, on y va, mais on n'a pas les moyens. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. On a des belles ambitions, des belles missions, parce que c'est quand même un métier magnifique. Hein. Oui. Et des métiers magnifiques, mais... Je crois que là, quand on dit que le burn-out est une maladie de société, je crois que c'est sociétalement parlant qu'on a des belles ambitions, mais on n'a pas les moyens de les réaliser. Et je pense que dans beaucoup, beaucoup de secteurs, on en est à ce point-là. Je vois par exemple le fait qu'à l'heure actuelle, on trouve normal de réduire une équipe, alors chez les enseignants, idem. Moi, qui ai vécu il y a 20 ans un burn-out dans une holding américaine, on était 700 informaticiens, j'étais ingénieur informatique à l'époque, et on s'est retrouvés à 70. Bon, alors, vous allez me dire, à 70, on devait faire le travail des 700, en gros, hein. Bon, ben, il y avait cette incohérence qu'on retrouve, alors, je dirais, dans tous les milieux actuels. À l'époque, c'était dans les milieux plutôt américains, parce qu'ils étaient déjà bien branchés sur la surcharge et la pression. Mais maintenant, dans tous les secteurs. Et les professeurs, c'est pareil. Il n'y a plus assez de monde pour faire toutes les classes grossissent. Enfin, je ne sais pas sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous ? Ben, en fait, comme le public qu'on accueille n'est plus le même qu'autrefois, effectivement, aujourd'hui, un exemple tout simple. En collège, pour ouvrir une division supplémentaire, c'est-à-dire ouvrir une classe supplémentaire, il faut que les gamins soient 30. Ça veut dire qu'on sous-entend, enfin c'est même pas on sous-entend, ça veut dire qu'on entend qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement travailler avec 27 ou 28 gamins de collège et leur apporter un accompagnement personnalisé en fonction de leurs besoins, de leur parcours. Bon, c'est carrément impossible. Et ça, en fait, comme dans le burn-out, il y a toujours cette phase de dévalorisation et de ce sentiment de ne pas être capable de remplir son métier. Mais là, en fait, comme on n'a pas les moyens de remplir nos missions, ça se renforce, quoi. Ça crée ce sentiment de ne pas être bon. Et puis quand on a le sentiment de ne pas être bon, et ben voilà, quoi. C'est assez terrible. C'est très hypocrite, hein. C'est quand même très, oui, c'est très pernicieux. Moi, je sais pas. Je sais pourquoi on se bat, hein, à l'association, pour que ce phénomène ne soit plus considéré comme étant, les personnes qui en souffrent ne soient pas considérées comme des coupables. Mais quand je vous entends, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on les, enfin, on leur donne de quoi devenir comme ça et après on leur dit, vous avez pas su gérer. Je trouve ça grave. Très, très grave. C'est un peu ça la difficulté, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on apporte, l'éducation nationale n'apporte que finalement que des réponses, on va dire, techniques et pédagogiques. Mais le problème, souvent, la difficulté pédagogique, elle est pas. C'est une conséquence, c'est un effet de problèmes psychologiques. Mais c'est grave. Et voilà, c'est. Mais bon. À mon sens, c'est quand même excessivement grave. Je ne sais pas si vous voyez, quand je dis excessivement grave. Pour moi, c'est excessivement grave parce qu'on ne va pas aller vers le mieux. Si vous voulez, en plus, une des difficultés aussi qu'on a, c'est que ce n'est pas une volonté de nos supérieurs, on va dire, directs. Oui. Eux, ils font avec les moyens qu'on leur attribue. Il faudrait vraiment une prise de conscience des enjeux de l'éducation et des enjeux sociétaux pour l'avenir, parce qu'on construit quand même la société de demain, et de voir ce qu'on veut et de se dire que c'est de l'investissement, quoi. L'éducation, c'est de l'investissement. Mmh. C'est pas ça coûte cher, c'est pas les fonctionnaires qui fonctionnent et qui coûtent cher. C'est l'investissement pour demain, quoi. Sans prendre de parti politique, parce que c'est pas mon rôle du tout, mais je dirais globalement, dans la hiérarchie tout en haut à l'éducation nationale, il y a quand même un manque de compétences pour gérer la situation, à mon sens. Mais ça, c'est personnel, hein. Bah, disons qu'on a des très très bons techniciens dans les ministères, sauf que bon, bah, après les choix budgétaires, les orientations politiques, c'est pas eux forcément qui les prennent. Donc ils conseillent et tout, mais après il y a d'autres considérations qui viennent rentrer dans les choix de nos ministres, quoi. C'est un peu ça, quoi. Je vais encore plus loin que dans le ministère, on va encore plus haut, c'est-à-dire voilà ce choix qu'il y a. Alors d'abord ce choix économique, puisqu'on est dans la machine de guerre, le rouleau compresseur économique, et que à ce niveau-là, on ne tient plus compte de l'être humain, il compte pour peanuts, et puis terminé. Donc on est en train de faire un espèce de génocide, à mon sens, humanitaire, sans s'en rendre compte, qu'on verra après coup. Parce qu'après coup, on verra les dégâts. C'est un peu ça, mon sentiment, mais peut-être que je suis extrémiste. Disons qu'après, bon, terme génocide, je vous le laisse, mais c'est vrai que les conséquences, on les voit sur le long terme, et effectivement, les conséquences des choix politiques et des orientations actuelles. C'est du massacre à la tronçonneuse, parce que où je reviendrai au départ de notre conversation, c'est quand même que ce sont des gens qui font ça parce que ça a un sens, qui font ça parce qu'ils ont certaines valeurs, ils veulent transmettre certaines choses, ils ont quand même à la base un postulat, et sous prétexte qu'ils ont un postulat, ils vont être candidats à être épuisés. C'est un peu ça le challenge. C'est un peu ça l'effet pervers, effectivement, c'est qu'on vient, nous, avec quand même notre, comme vous dites, notre postulat, nos, nos, nos envies. Et ce sont des envies simples, il n'y a pas de prosélytisme de quelque sorte que ce soit. C'est simplement, on est là pour faire avancer les enfants, pour les éveiller, pour les rendre autonomes, pour les... voilà, c'est pour les émanciper, c'est ça le principe de l'école. Mmh. Et donc, bon, on continue de faire la mission, hein, mais le système tourne parce que les collègues sont hyper investis. Mmh. Et effectivement, malheureusement, l'effet pervers, c'est que c'est des fois au détriment de leur santé personnelle, quoi. Oui. Ben, on vous remercie beaucoup, monsieur Demont, de votre passage à l'antenne, qui était très riche. Et très c'est vraiment un sujet intéressant, et c'est intéressant que vous abordiez ce thème-là. Et voilà. On l'approfondira probablement. Je vous retrouve hors antenne. Pour l'instant, je dis à chères auditrices et auditeurs que nous nous retrouverons dans 15 jours pour reparler de ce phénomène de l'épuisement et en parler et en parler et en parler, que la victime de cet épuisement n'est pas coupable ou qu'il n'y a pas à être coupable d'avoir été victime de l'épuisement. Je vous dis à bientôt. Au revoir, chères auditrices et auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir.